Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les révoltés du France. Nous sommes en 1974. Un mythe français s'éteint. Un mythe de 315 mètres de long et 33 de large. Un profil racé qui brisait les vagues de toutes les mers du monde. Deux cheminées rouges et noires, iconiques, entre lesquelles étaient fièrement arborées six lettres blanches, celle de son nom, celle de sa patrie, France. C'était le plus grand paquebot du monde, c'était sûrement le plus beau aussi. Alors, dans la douleur et la peine, le pays assiste au naufrage de celui qui l'avait rendu si fier. La mort du France a des allures de fin d'époque. C'était le France du général de Gaulle, le France d'une nation qui se relevait de la guerre, le paquebot symbole du prestige retrouvé. Mais en 1974, il fait perdre de l'argent à l'État. Beaucoup d'argent, les finances prennent l'eau, il faut colmater, autrement dit, dire adieu aux France. Mais ce n'est pas l'avis de l'équipage. Et quel équipage ? Ils sont 1000. Marins, mécaniciens, cuisiniers, barman, ils connaissent leur navire comme personne. C'est leur outil de travail et c'est aussi leur fierté. Alors, le 11 septembre 1974, ils tentent le tout pour le tout, pour sauver leur bateau. Notre invité aujourd'hui, Christian Clerc, auteur, réalisateur, scénariste, ancien collaborateur de France Inter et des autres chaînes de Radio France, auteur de deux livres sur le France, coécrit avec Claude Villers, À bord du France et France, un rêve de géant. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Soyez propice, Seigneur, à nos supplications. Que votre sainte main bénisse ce navire et tous ceux qu'il portera. Vous qui avez daigné bénir l'arche de Noé flottant sur les eaux du déluge, donnez-lui un ange gardien. Accordez-lui d'être à verser calme. Et lorsqu'il reviendra dans son pays, qu'il soit joyeusement accueilli. Nous le demandons à vous, Seigneur, dont la vie et le règne n'ont pas de fin, ainsi soit-il. L'histoire avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. À Saint-Nazaire, le 11 mai 1960, à 15h50, l'évêque de Nantes bénit le France, à la fois tradition et viatique. La coque du nouveau paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique n'a pas encore touché l'eau. Parée de sa virginité qui va prendre fin, elle est maintenant au-dessus de l'océan, sur deux longues cales. Devant le navire, l'évêque de Nantes se tient droit, fier comme Artaban, au milieu d'une centaine d'officiels. C'est que, au premier rang, a pris place le général de Gaulle soi-même. Ce jour-là, près de 100 000 personnes se tassent pour assister à l'événement. La date est tellement importante que la ville a décrété la journée fériée. Les chantiers navals, si durement touchés par la guerre, renaissent de leurs cendres. C'est le triomphe de toute une ville et de milliers d'employés qui, depuis 3 ans, bâtissent le plus grand paquebot du monde. Des cars et des trains sont affrétés de tout le pays. C'est ainsi que le 11 mai 1960, les Français, pas peu fiers, regardent le lancement d'un paquebot comme ils regarderaient, admiratif et fasciné, celui d'une fusée. La coque en acier est d'abord aspergée à l'eau bénite, avant que ne vienne s'y briser une bouteille de 6 litres de champagne lancée par la marraine du bateau, Yvonne de Gaulle. Il est 16h15, le France s'élance. Et voici le bateau maintenant qui glisse, lentement, c'est absolument extraordinaire. Il bouge légèrement, on sent une légère vibration. C'est absolument merveilleux et je vois maintenant la tribune qui s'éloigne de moi alors que le bateau glisse tout doucement et dans quelques instants il va prendre contact avec son élément. Vous savez qu'il est parti très doucement mais qu'au moment où nous rentrons dans l'eau, nous marchons à peu près à 29 km à l'heure. Les câbles qui sont de part et d'autre du bateau sont lâchés petit à petit. Voici maintenant, nous sommes à peu près à la dernière partie du lancement. Le bateau vient de parcourir à peu près 300 mètres. Et l'entrée, l'avant du bateau, va maintenant entrer dans l'eau. Le lancement du nouveau paquebot transatlantique soulage la douleur encore vivace de la fin de ses deux grands prédécesseurs. Le Normandie, brûlé à New York en 1942, et l'île de France, saccagée au Japon en 1959, pour les besoins d'un film. Les histoires de bateaux finissent mal, en général, mais elles commencent en grande pompe. Ainsi, les trois premiers coups de corne de brume du paquebot déchirent l'air de Saint-Nazaire et vibrent dans la France entière. Il est 16h30, le général de Gaulle lui répond. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir, vive la France ! Et le président de la République lève les bras en V face à l'océan et au navire qui haïssait le grand pavois. Mais il ne salue pas qu'un paquebot, il salue le plus bel ambassadeur de la France dans le monde, car tel est bien le rôle du France, une vitrine flottante. C'est un bateau de prestige, mais il a tout de même une fonction. C'est d'abord un transatlantique, donc il emmène les passagers d'un bord à l'autre de l'Atlantique Nord, de son port d'attache, Le Havre, jusqu'à sa destination principale, New York. Mais dans les années 60, l'aviation se développe. L'aérogare sud d'Orly est inaugurée par le général de Gaulle en 1961, quelques mois seulement après le France. À peine le paquebot a-t-il touché la mer qu'il voit poindre un très dangereux concurrent, Boeing. Mais l'heure est encore à la fête. Et le 8 février 1962, après 5 jours de traversée, le France arrive pour la première fois à New York. Et voici Ambrose Light, le bateau-feu qui marque la limite des eaux territoriales américaines. Il est 9h, l'horaire a été respecté. Le grand pavois est hissé pour saluer la terre américaine. La statue de la liberté va être passée. France entre dans l'Hudson River et va recevoir cet accueil inoubliable que New York réserve aux grands navires qui pénètrent pour la première fois dans son port. Escorté de dizaines de bateaux, salué par les sirènes de tous les navires, survolé par des hélicoptères, au milieu des gerbes d'eau des bateaux-pompes, France poursuit sa marche triomphale vers son quai d'accostage. C'est clair, les Américains aiment le France, et la France aussi un peu. À partir de 1962, 2 vendredis par mois, c'est le même spectacle le long de l'Hudson River. Inlassablement, par milliers, les New-Yorkais et les touristes se pressent sur le quai de Pier 88 de la French Line, là, à l'intersection de la 48e rue et de la 12e avenue. Les curieux guettent l'arrivée du bateau, car le France n'est pas que beau, il est ponctuel aussi, toujours à l'heure. On voit d'abord au loin un nez pointu passer sous le pont Verrazzano, puis 2 cheminées rouges et noires voguer devant la statue de la liberté. On entend ensuite la corne de brume, si reconnaissable. Sous les vivas, New York accueille alors le faubourg Saint-Honoré de l'Atlantique, comme on l'appelle, ou la rue de la paix flottante, la place Vendôme itinérante. On échappe à un plus bel avenue du monde, c'est déjà ça. Mais tout le monde ne monte pas à bord. Le France est cher. Et ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une traversée envient les 2044 passagers. 8 hectares de pont, 2 piscines, 1 théâtre, 1 cinéma, 8 bars, 5 pistes de danse, 60 cuisiniers, le restaurant Versailles, le restaurant Chambord, 60 kilos de caviar par aller-retour, 19 000 bouteilles de vin, 14 000 de champagne, 35 tonnes de viande, 8 500 kilos de poisson, presque plus que dans la mer, une transatlantique sur le France, ce sont toujours 5 jours de fête made in France. Acier de Gueugnon, tapisserie d'Aubusson, vaisselle de Limoges, verre de Saint-Gobain, boulon de Beaucourt. Le bateau a été entièrement conçu en France. À cette époque, on ne délocalisait pas la production. Autre temps, autre mœurs. Les 1000 membres d'équipage appellent leur bateau le Gros. Et leur confiance en lui est totale. Il n'y a jamais une seule avarie. Ils ont alors tout le temps d'offrir à la clientèle le meilleur voyage possible. Il y a près d'un membre d'équipage pour 2 passagers, parmi lesquels Salvador Dali, Alfred Hitchcock, Juliette Gréco, Audrey Hepburn, Johnny Hallyday et même, en 1962, Mona Lisa. Oui, on l'a décrochée du Louvre pour être exposée aux États-Unis. Elle vaut 500 millions de francs, soit plus que le bateau lui-même. Alors on imagine à quel point l'équipage a dû être petit soin de la passagère la plus célèbre du monde, pas exigeante pour un sou en plus. Et en un mot commençant, le France est une réussite. Dans le livre d'or, on peut lire ce mot d'un passager. C'est la première fois que je suis heureux et fier de payer ponctuellement mes impôts. Signé Louis de Funès. Car le France, effectivement, c'est l'État actionnaire majoritaire de la Compagnie Générale Maritime. Et vogue le navire. Le France accumule les transatlantiques et les voyages autour du monde. mais dans son sillage, à travers les mers. Et au fil du temps, il voit l'époque changer d'Angers. L'aérodrome du Bourget a reçu la visite du premier appareil commercial à réaction américain, Boeing 707. Ce géant de 112 tonnes était venu passer son examen d'admission sur le terrain parisien. Dès novembre, il doit en effet assurer la liaison New York-Paris avec quelques 180 passagers en moins de 7h30 et dans 2 ans sans escale. Dès son lancement, en vérité, le France est condamné. Car l'avion en réaction change toutes les habitudes. Bon, il n'a pas le luxe d'un transatlantique, bien entendu. Mais il est moins cher, bien moins cher. Et lui traverse l'océan en 8 heures au lieu de 132. Le France est magnifiquement obsolète. Alors le navire se met à faire des croisières. En Méditerranée, dans les Caraïbes, il sillonne le globe à la manière de Jules Verne. Il fait le tour du monde en 88 jours, oui. Il entre à Port-au-Prince, à Valparaiso, à Miami, à Rio, emmène ses passagers à l'île de Pâques, à Tahiti, à Singapour. Et partout, ce sont les mêmes acclamations. Et pourtant, le France périclite, il devient colosse au pied d'argile. Dès 1965, il perd en effet plus d'argent qu'il n'en gagne. La transatlantique tente tout pour sauver son navire amiral. Elle coupe dans son personnel en 1970, mais le monde du France continue à s'effondrer. La même année, il accueille 20 000 passagers de moins que 5 ans plus tôt. Il devient déficitaire. Comme un symbole, le 9 novembre, il apprend la mort de son tuteur, Charles de Gaulle, celui qui l'a fait grandir, celui qui l'a baptisé. Le France est presque orphelin, très mal en point. Et voilà qu'arrive l'année 1973, celle du coup de grâce, le choc pétrolier. Le prix du baril est multiplié par 4. Or, du mazout, le France en consomme 600 tonnes par jour. Et c'est l'État qui paye la facture. 70 millions de francs de déficit en 73, 32 plus en 74. Le France prend l'eau. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la France n'abandonne le France. Premier avril 1974. Le paquebot revient de son deuxième tour du monde. Entre Dakar et le détroit de Gibraltar, les passagers et son équipage apprennent sans surprise aux infos que leur bateau va être démantelé. Au grand dam de ce monsieur, Christian Pétret, le commandant. Si vous voulez, ça ne change pas l'ambiance dans le sens général du terme, mais certaines personnes et surtout l'équipage sont très inquiets sur leur avenir et tristes de savoir que le navire va être désarmé. Le France, pour nous, c'était notre bateau. Ça fait toujours beaucoup de peine quand on perd son bateau. La triste nouvelle se précise le 8 juillet. Jacques Chirac, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, annonce une date, le 25 octobre. Après 13 ans de voyage, après avoir transporté 588 000 passagers et traversé 379 fois l'Atlantique, le France a vécu. Pour l'équipage et pour les passagers, c'est un déchirement. Le journaliste Horace Sutton s'insurge d'ailleurs le 22 juillet dans la revue Saturday Review. Quoi ? Désarmer le France ? Autant renier les truffes ? Empêcher le champagne de couler ? Abattre les marronniers ? Arracher les vignobles de Rothschild ? Jouer la Marseillaise sur un air de valse ? Supprimer Jeanne d'Arc dans les livres d'histoire ? Fermer le Louvre ? Renoncer à déguster les foies d'oie ? Cesser la fabrication des bérets ? Déboulonner la Tour Eiffel ? Faire sauter l'Arc de Triomphe ? Briser tous les disques de Maurice Chevalier, brûler les livres de Zola, remettre les bras à la Vénus de Milo, effacer le sourire de la Joconde. Quoi ? Mettre France au rebut ? Le France ? Allons, enfants, tous aux barricades ! Dit comme ça, la France a mal aux France. La mort annoncée du bateau, c'est la fin d'un palace ambulant, certes. C'est aussi, peut-être, celle d'une époque, mais c'est surtout la suppression de 2000 emplois. 1500 navigants et au sol, entre Le Havre, l'escale de Southampton et New York, ce sont 500 emplois qui sont menacés. La Transat, par licenciement, reclassement. Mais pour le personnel, la France, le France doit continuer, il le peut. À bord du gros, le bruit enfle dans les coursives, il va se passer quelque chose. Gilbert Bordel, mécanicien, se souvient. Là, on a commencé à chercher par quels moyens on pourrait faire pression pour sauver En fait, c'est pas sauver le franc, c'était quand même sauver l'emploi de 15 à 1800 personnes, de copains qui avaient passé leur vie là-dedans, qui avaient toujours fait ça. En fait, le franc, c'est un outil, je dirais. C'était surtout l'emploi des gens qui nous motivaient. La CGT voulait l'occupation du bateau au Havre, à quai, avec la municipalité communiste de l'époque. Bon, faire un grand bazar. Ça nous semblait pas forcément efficace et on préférait quelque chose de plus fort. Mercredi 11 septembre 1974, il est 21h06, le France, comme prévu, s'approche du Havre. Il revient de New York, il a fait escale à Southampton un peu plus tôt. Il se trouve précisément à presque 3000 marins, sur la bouée LH4 dans le chenal du Havre. Le commandant Pétré surveille la manœuvre depuis la passerelle. C'est l'une des dernières fois, pense-t-il avec émotion, qu'il fait entrer ce bateau dans son port d'attache. Sur le quai, les Havrais sont au rendez-vous. La 377e transatlantique devrait s'achever sans difficulté. Il lui en reste deux, pense le capitaine. Plus que deux voyages, et il quittera son navire à regret. Ce que le commandant ne sait pas, c'est qu'en fait, il n'y aura pas d'autre voyage. Ils sont 50, 60 peut-être. En quelques secondes, ils ont envahi la passerelle. Ils encerclent le commandant et ses officiers. Christian Pétré les connaît bien. Ce sont les vestes blanches, les personnels hôteliers, enfin presque tous. C'est d'abord l'incompréhension, puis la cacophonie. Les alarmes se déclenchent sur tout le navire. Elles surprennent les passagers, mais pas l'équipage. Car c'est une mutinerie, mesdames, messieurs. Oui, comme au temps de la Royale. Le commandant n'est plus maître à bord. Il obéit maintenant aux ordres d'un petit homme trapu d'une cinquantaine d'années, les joues recouvertes de favoris touffus. Un homme qui porte dans sa poche un moulin à poivre ouvert, prêt à aveugler le commandant s'il refuse de coopérer. Il s'appelle Marcel Rollin. Il est le président du comité intersyndical et il ordonne de jeter l'ancre en plein dans le chenal. Il est 21h47. Le combat de la dernière chance commence. Les grands paquebots d'Atlantique ont la ferraille nostalgique. Avant-hier, sur toutes les lignes régulières qui conduisaient en Amérique. Les grands paquebots sont morts, les petits mouchoirs des ports ne bougent plus, pauvres sémaphores. L'Alain, les grandes baleines électriques ne glissent plus vers l'Amérique. Un sang de rouille efface leur sillage. Les grands paquebots qui s'estompent ont le chalumeau sur la tempe. Les Boeing sont des tricheurs, ils volent le temps et les tiédeurs des nuits d'amour pour l'Amérique. Les grands paquebots sont morts, les petits mouchoirs des ports ne bougent plus. Pauvre sémaphore, là-bas, les grandes baleines électriques ne glissent plus vers l'Amérique. Un sang de rouille efface leur sillage. Les grands paquebots vides se lassent, regardant les avions qui passent. Leur gros ventre coûtait trop cher aux épiciers du mal de mer, et nous irons faire nos amours sur plan de vol. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Alors on s'était mis d'accord avec le copain qui était parti à Southampton, qui était Roger Deschamps. C'est un très bon copain, mais il a jamais eu de mémoire. Alors on avait toujours peur qu'il se gourre dans les codes. Et on avait dit, dans les hypothèses qu'on avait, qu'ils immobiliseraient le bateau sur rade. Et alors, pour immobiliser le bateau sur rade, Deschamps devait me dire, en mer, tu m'apporteras des oranges. Bon, il m'appelle en mer, puis il me dit, tu m'envoies des oranges. Je lui dis, est-ce que t'es sûr? Puisque je te le dis, espèce de con, qui m'a dit. Alors là, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, ça va passer. Allô France, vous êtes dans le chenal, qu'est-ce qui se passe, etc. Le commandant a dit, je suis plus maître de ma manœuvre, on est mouillé là, terminé. C'est par code, en effet, que les butins du France communiquent avec les syndicalistes à terre. Apportez les oranges, d'abord, on l'a entendu. Puis c'est bien le bonjour d'Alfred, entre Southampton et Le Havre, pour annoncer le début de l'opération. Elle est menée façon commando. Marcel Rollin, le chef du mouvement, est un ancien des forces françaises libres, passé par le 1er bataillon de fusiliers marins commando, plus connu sous le nom de commando Kieffer. Oui, il est l'un des 177 bérets verts qui ont débarqué sur la plage de Ouistreham le 6 juin 1944, les seuls français du débarquement. Autrement dit, l'esprit de résistance, ça le connaît, mutin plutôt que mouton. Sur les quais, c'est la stupéfaction, suivie de l'allégresse. Les femmes de marins, leurs enfants, les commerçants du Havre, tous sont pris d'euphorie. Et s'ils gagnaient? Et si le France continuait à naviguer? Le Havre est profondément attaché à son bateau, émotionnellement bien sûr, mais financièrement aussi. Car il n'y a pas que les emplois de l'équipage qui sont menacés, c'est toute l'économie de la ville qui est en danger, parce que, à chaque retour du France, ces jours de fête, les bouchers, les boulangers, les cavistes, les pâtissiers vendent à tour de bras aux marins heureux de retrouver leur famille. Les hôtels se remplissent, les touristes affluent, en attendant d'embarquer pour New York ou simplement pour visiter le bateau. Par exemple, à chaque retour dans le port d'attache, il faut bien laver le linge sale. Des centaines de tonnes, eh bien, c'est la blanchisserie d'Orwell qui s'en occupe. Elle ne vit presque que de ça. Le Havre a tant souffert de la guerre, le France l'a fait revivre. Alors que se report, des musiciens commencent à jouer pour les mutins, à bord, l'équipage annonce aux passagers qu'il occupe le navire pour une durée limitée. Les clients exultent, trop heureux de ce supplément inattendu. Ils applaudissent. Les marins ouvrent le champagne, offrent le whisky et le thé, et entament la première nuit de l'occupation de France, une nuit de fête. Car c'est une grève, pas une prise d'otage. Les 1266 passagers sont donc débarqués le lendemain sur le quart ferry Viking 2. Mais ils ont pris soin de remplir généreusement la caisse de grève. Sourires, accolades, pleurs parfois, membres d'équipage et passagers se séparent en entonnant « Ce n'est qu'un au revoir ». Et voilà maintenant les marins du France, seuls en mer. Vendredi 13 septembre, J+2, Marcel Rollin donne une conférence de presse. Nous avons décidé de faire quelque chose de spectaculaire pour attirer l'attention du gouvernement à discuter nos problèmes. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue d'engagé, nous ne bougerons pas d'ici, un point, c'est tout. À partir de là, le commandant l'a poussé à l'extrême, et à un moment donné, il m'a dit, Roland, c'est plus possible, on va se prendre dans le rein de la bouée, et d'une bouée quelconque, nous sommes longs, on peut être pris par l'avant, par l'arrière, il faut arrêter tout prix, je vais au commandant Bouillet. Nous aussi, on voulait le bateau, on voulait pas aller dans les digues. Vous comprenez très bien qu'un navire comme ça, il appartient aux Français, il n'est pas à vendre, il est à nous, il est aux contribuables, c'est quand même un objet de valeur, un chef-d'œuvre du génie maritime. Ce navire-là, il ne peut pas partir, c'est pas vrai. Le ton est donné, l'équipage ne lâchera rien. Non, pas question d'abandonner un si beau navire, encore moins se faire licencier. Non, le France doit continuer à naviguer. Les mutins veulent qu'il ne soit pas mis au rebut avant 1978 et que d'ici là, la transatlantique lui ait trouvé un remplaçant moins coûteux ou au moins un nouveau modèle économique. En attendant que les négociations commencent, l'équipage bloque le chenal du Havre. Les plus gros bateaux, pétroliers et minéraliers, ne passent plus. À bord, c'est l'attente. Dans l'ordre. Les officiers continuent leur quart sur la passerelle, les corvées sont triplées, la télé et la radio fonctionnent en continu comme le standard téléphonique. Il y a même 4 séances de cinéma par jour, les salles de sport sont ouvertes. Et le personnel se réunit quotidiennement dans le théâtre autour d'un chef qu'il a élu en la personne de Marcel Rollin. Chaque matin, à 9h30, celui-ci tient conseil avec 6 autres grévistes chargés comme des ministres de l'intendance, de la vie intérieure, des loisirs, des cas sociaux, des cas médicaux, du budget, de la formation. Et tous les jours est imprimé le journal de grève. Le, entre parenthèses, la, France en rade, c'est le titre. Il fait beau, le navire appartient à son équipage qui semble heureux, comme en témoigne le mécanicien Brodel. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gars se faisaient un point d'honneur à mieux tenir le bateau encore que quand ils n'étaient pas les décideurs. J'ai jamais vu le bateau aussi propre. Tout était entretenu tous les jours, et bon, les gars ont été un mois sur grève non payés quand même. Hein. Bon, c'est eux qui tenaient la caisse de la buvette équipage, ils arrêteraient bien pu dire, après tout, la Transat nous emmerde, on distribue la buvette équipage parmi l'équipage. Ils ont redonné au centime près, il n'y a pas eu un vol, il n'y a rien eu pendant le conflit. Les gars s'étaient responsabilisés à outrance, ils tenaient à rendre le bateau sans qu'il y ait aucun reproche, et ça s'est passé comme ça. Mais l'État n'a pas l'intention de céder. La date du désarmement est confirmée, les deux dernières transatlantiques sont annulées et une plainte est déposée pour mutinerie. Jacques Chirac maintient sa position sur France Inter le 19 septembre. Dans une période, je dirais, où l'austérité et l'effort sont indispensables, est-il raisonnable d'imposer au contribuable national le paiement d'une somme aussi importante qui représente, je le rappelle par exemple, la construction de 2 hôpitaux par an pour permettre de donner une subvention directe à des gens qui ont des revenus extrêmement élevés et qui d'autre part, Dieu sait que je ne suis pas xénophobe et que je n'ai rien contre les étrangers, mais qui sont à plus de 3/4, à plus de 75% des étrangers. Eh bien, je vous dis tout de suite que ce n'est pas la politique sociale qu'entend favoriser le gouvernement. C'est le type même de politique de classe. Voilà donc un Premier ministre de droite qui veut mettre à bas un bien de luxe et des syndicats de gauche qui prennent la défense du caviar et des galas. 8 jours après le début de la mutinerie, dans ce qui semble être le monde à l'envers, il n'y a pas l'ombre d'une négociation. À quai, le comité de défense s'organise autour du maire communiste, André Duroméa. Il lance une pétition nationale, des milliers de Havrais manifestent tous les jours, et on chante « Giscard, si tu continues, les marins du France te botteront les fesses. Giscard, si tu continues, les marins du France te botteront le cul. » Ambiance. Le bateau est maintenant à 3 ou 4 kilomètres du port. On le voit au loin, immobile, seul. Le gouvernement fait le choix du blocus. Des patrouilles de la marine nationale le surveillent de près et arrêtent les curieux qui s'approchent à moins de 100 mètres. Et pas d'exception, y compris pour le maire du Havre. C'est donc par mégaphone qu'il s'adresse aux grévistes pour leur donner du courage. Même le prêtre envoyé pour dire la messe est refoulé par les forces de l'ordre. Les vivres, elles, sont soigneusement contrôlées avant d'être embarquées. Le courrier, d'accord, passe pour les légumes, mais c'est seulement après d'âpres négociations que les cigarettes, par exemple, sont autorisées. À bord, l'euphorie du début laisse place progressivement à la lassitude. C'est qu'il est dur de mobiliser les troupes quand elles voient leur maison depuis les hublots. Certaines épouses commencent à trouver le temps long, comme l'atteste cet extrait du journal de grève. Vendredi 20 septembre, J+9, France Horoscope, santé, ménagez votre cœur, ne lui imposez pas de fortes émotions, vous éviterez une usure qui aurait tendance à progresser à votre insu. Samedi 21 septembre, J+10, profession, vous vous intéressez à un travail long et minutieux, vous aurez le plaisir de le bien terminer. Ce jour-là, un homme saute par-dessus bord, un garçon d'hôtel de 23 ans. Il enveloppe ses valises dans du plastique et les balance par le hublot de sa cabine. Puis il se jette en maillot de bain dans la Manche. Il voulait partir, mais il n'osait pas demander la permission. Dans cette guerre d'usure, les butins accusent le coup. Marcel Rollin en a bien conscience. Nous avons percé l'abcès. On liquide les gars qui tremblent. Enfin, c'est une minorité. On a une grosse partie des équipages qui veut y aller. Alors les gens qui tremblent peuvent débarquer. C'est normal. On a une conscience morale. On ne veut pas séquestrer ni empêcher un gars de partir pour des problèmes familiaux. Parce que ces marins-là, ils sont à bord quand même depuis 13 jours. Plus ce voyage, ça fait près d'un mois qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas vu leurs femmes ni leurs enfants. Et on est près du port, voyez-vous. Sur un plan moral, c'est dur. Mais la grosse partie est là et elle tient. France Horoscope, 23 septembre, J+12. Profession, vos affaires sont en bonne voie. Ne vous laissez pas aller, soutenez votre effort jusqu'au bout. Et si l'horoscope, plus ou moins horoscopique, disait vrai? Et si le gouvernement pliait avant l'équipage? Le 23 septembre, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, laisse entendre que le France pourrait être utilisé pour des croisières bon marché. Cette solution, la CGT l'avait déjà proposée. Et voilà le commencement d'une victoire inespérée. Mais les marins aguerris savent que le danger ne provient pas de la terre, il vient de la mer, du large. La déclaration de Michel Poniatowski aurait pu faire basculer la mutinerie du France du côté des victoires héroïques. Et peut-être les marins auraient-ils gagné, si le temps ne s'était pas gâté. Car le vent se lève au large du Havre. Autour du France, ce sont des creux de 5 à 6 mètres, des bourrasques de force 8 à 10. Le paquebot secoué jette une deuxième ancre, mais la tempête est si forte qu'elle fait vriller le navire. voilà la France qui dérape et qui risque d'aller vers la côte. Le bateau est en danger, il faut partir. Mardi 24 septembre, 8h30, le paquebot lève ses deux ancres. Après 13 jours en rade du Havre, il met le cap vers le Cotentin pour se protéger des vents dominants. C'était un navire isolé, c'est maintenant un navire fantôme à la recherche d'un abri. Il longe les plages du débarquement et mouille au large de Saint-Valahougue, près de Cherbourg. Le coup est rude, le France est plus seul que jamais. Quelques curieux de Saint-Va approchent leur bateau de ce visiteur inattendu alors que les autorités signalent aux France qu'il n'a plus le droit de revenir au Havre. Passager, l'écrivain Yves Salou raconte. Les jours se succédant, les semaines même, le moral à bord en prenait un coup, bien sûr. Puis après, il a commencé à avoir une hémorragie de gens qui ont pu quitter le bateau comme ça, officiellement, bien sûr. Mais enfin, moi, j'ai pu débarquer à Saint-Valahougue. On était une quarantaine, là, ce jour-là, à pouvoir rejoindre nos familles. C'était un coup d'épée dans l'eau. C'était cuit depuis longtemps. La décision était prise. C'était pas possible de continuer. Vient le temps des désillusions et des défections. Le 24 septembre, 7 grévistes quittent le navire, puis une vingtaine le 25, 27 le lendemain, 36 le 28, 8 le 29, 83 le 2 octobre. J+21, journal de grève, 3 octobre. Mise au point, nous ne pensons pas qu'arroser les collègues qui craquent et qui partent soit une solution. Nous vous demandons de rester sérieux et correct pour défendre notre cause. Les dissensions internes sont fortes, en effet. Depuis le début, les officiers se montrent prudemment neutres. Le personnel maritime, lui, sait que la casse sera limitée, qu'il retrouvera du travail sur d'autres navires. Le personnel de service, en revanche, n'a aucune garantie. Il ne sera pas reclassé, il sera licencié et devra se débrouiller seul. Depuis sa retraite forcée dans le Cotentin, l'équipage du France n'a plus la même force de négociation. Le port du Havre a repris une activité normale. Les mutins se battaient pour sauver leur navire, les voilà réduits à négocier un retour au Havre pour continuer le combat à quai, disent-ils. Le 8 octobre, il reste 700 membres d'équipage à bord. 576 acceptent l'accord proposé par le gouvernement à la transatlantique, le retour au Havre et l'abandon des poursuites judiciaires, à condition d'arrêter la grève. Le lendemain, 16 jours après avoir mouillé à Saint-Va, le France revient au Havre, la tête haute, dit le journal, mais on a peine à y croire. Car un constat s'impose. Au bout de 28 jours, le plus long conflit de l'histoire de la marine marchande prend fin, les révoltés du France ont perdu leur bras de fer. Le paquebot lève l'ancre à 14h48 et se met en marche à très faible allure. C'est le dernier voyage du France. Il entre dans le port du Havre en silence, le silence des jours de deuil. Sur le quai, les Havrais sont là. Mutiques, ils regardent le paquebot s'avancer. Puis il y a des pleurs, les trois coups de corne de brume, et enfin les applaudissements, les vivats, les exclamations. Ils ont perdu, oui, mais ce sont de magnifiques perdants, ces marins. D'ailleurs, ils sont à l'image de leur bateau. La victoire était impossible, le combat désespéré, mais ils s'y sont plongés de toute leur force, avec tout leur panache. Ils accostent sur le quai Johannes Couvert. Il est 18h18. En ce 9 octobre 1974, la fête est finie. Le France, un peu comme l'avion le Concorde, n'est plus que le souvenir d'un luxe bien de son temps, des Trente Glorieuses. Sa disparition est un symbole, parmi d'autres, mais il est fort, d'une nouvelle ère, celle de la crise économique et de la fin des moyens de transport énergivores, coûteux et luxueux. Show some respect on this jack for the dear departed. Gather yours round, let's be bound by the work we started. Save all your strength for the length of the task before us. Think on that ship. On the slipway, they can't ignore us. It's what he would have wanted. He'll not be disappointed. Each of us well appointed. We've all but been anointed. Such was our occupation. This means of our salvation. We'll make a rope out of our dreams and hopes and tribulations. We'll weave these strands together. We'll splice our tether. And though we won't know whether it's fair or stormy weather, we'll quit this key and we'll cast this net of souls upon the sea. Pick up your tools, we're not fools to be treated lightly. We'll weld our souls to the bulkheads, secure them tightly. We'll use the skills and the crafts that our fathers taught us. We work with pride, not as slaves. No one ever bought us. We'll weave a net of our dreams and our hopes between us. We'll be the envy of that sorry bunch who wish they'd been us. We'll form a web of steel, a structure that will not be broken. We'll be the heroes of the day when never tales are spoken. And as the dance gets faster, we'll build a double master. No vessel will outlast her, no other ship gets past her. We'll quit this key and we'll cast this net of souls upon the sea. Come strike the floor with your feet, all your lads and lasses. And if you're too old to dance, you can raise your glasses. Just come on in, take a spin in your dreams you've held up. What are you, man or a mouse or a shipyard welder? Shipyards getting out for waiting, so why you hesitating? Ships will get built to Beijing, all launch just contemplating. Wear out your old shoe leather, we're in this dance together. We'll pull the blazing feather in fair or clement weather. Each one of us connected, our trades and skills respected, always to be expected. We will not be deflected. We'll print this key and we'll cast this net of souls upon the sea. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vie et mort du paquebot de France, avec notre invité Christian Clerc. Bonjour. Bonjour. Réalisateur, scénariste, ancien collaborateur de France Inter et des autres chaînes de Radio France, vous êtes l'auteur de deux livres sur ce paquebot, intitulé « À bord du France » et « France, un rêve de géant ». Les deux livres étant écrits, co-écrits avec Claude Villers, une grande voix du paquebot France Inter. Voilà, Christian Clerc. Vous êtes rouennais d'ailleurs actuellement dans les studios de France Bleu à Rouen. Ouais. J'imagine que pour un Normand, le France doit avoir une valeur et une saveur particulière. Ah, d'autant plus que mon père travaillait à la Transat. Ah bah oui. Donc, mais il travaillait pas sur le paquebot France, il était sur les bananiers, mais effectivement, c'est quand même le quotidien, enfin pas le quotidien, parce que c'était un autre monde. Hein. Les marins qui travaillaient sur le France, franchement, c'était un peu l'élite de la transatlantique. Mais c'est vrai que moi, j'ai baigné dans cet univers marin, et effectivement, c'est une histoire magnifique. Moi, je sais que là, en écoutant, c'était très très bien ce que vous avez raconté. Et bravo aussi à Romain Weber qui a fait ce travail avec vous. Mm-hmm. C'est vrai que ça m'émeut toujours d'entendre les marins, Gilbert Brodel, Marcel Rollin. Ah, puis ils ont en plus une faconde, oui. Une façon de parler qui est absolument formidable. Mais c'est ça qui est formidable aussi, parce que quand on écoute aussi les... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'interviewer aussi le commandant Croisille pour faire une série aussi pour la radio sur le paquebot France, avec Claude Villers toujours. Et c'est vrai qu'ils avaient une façon de parler absolument remarquable, d'un autre temps peut-être, d'un autre siècle aussi. Mais c'est la confrontation des deux accents, ça montre bien ce qu'était France. France n'était pas simplement l'élite, la première classe, le caviar. France, c'était aussi les soutes, c'était tous ces gens gens qui travaillaient, qui avaient l'amour de leur travail, qui aimaient leur paquebot, qui aimaient la mer et qui aimaient rendre service, servir les gens, les passagers qui restaient là pendant 5 jours à bord. Mais ce commandant Croisille dont vous parlez, c'était le premier commandant du France. Voilà. C'est oui, le premier. D'accord. Oui, absolument. D'accord. Premier commandant du France, c'est lui qui a fait donc la traversée inaugurale ce 8 février 1962. Voilà, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que ils avaient évidemment rencontré ce jour-là une tempête. C'était pas la tempête du siècle, mais c'était une sacrée grosse tempête quand même. Hein. Et donc tout le monde a été malade, y compris Julien Gréco et tous les invités à bord. Mais le commandant Croisille, fidèle à lui-même, a dit à la fin que le France s'était superbement bien comporté dans la tempête. Mmh. Il avait des stabilisateurs, il ne vibrait pas, c'était quand même une sacrée prouesse technique, c'était le plus grand paquebot à l'époque, peut-être pas le plus beau, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pouvait en être fier techniquement, on peut en être fier. Et c'est vrai qu'en France, on sait faire des bateaux depuis plus d'un siècle, un siècle et demi maintenant, avec les chantiers de l'Atlantique, et ça continue maintenant. Mmh. Avec quand même un concurrent, c'est l'Italie. Oui, mais non. Ah bon. Bah écoutez, franchement, je sais pas s'il y a un bateau qui s'appelle l'Italie d'ailleurs. Je sais pas. Franchement, cette grève. D'abord, est-ce qu'on peut la qualifier de mutinerie déjà? Alors moi, j'irai pas là, parce que. Mais il y a un côté violent dans la mutinerie, en fait. C'est-à-dire que les marins ne diront pas mutinerie, parce que la mutinerie, c'est très grave, et c'est même juridiquement condamnable. D'ailleurs, la compagnie avait déposé plainte pour justement rentrer dans ce cadre. Ah. Et les marins. Elle était déboutée sur cette accusation-là, j'imagine. C'est ça. Et maintenant, ils ont enlevé la plainte. En fait, c'était juste pour faire pression. Ils ont enlevé la plainte à condition que le France rentre bien au port du Havre et que tout se passe bien. C'est ce qui s'est passé hein, au mois d'octobre, après 28 jours d'occupation. Voilà. En fait, les marins, c'est surtout les gens qui travaillaient dans les services qui ont pris en otage un peu le navire. En fait, ils ont occupé leur usine. Oui, c'est une occupation de locaux, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est les premières occupations d'usine. Donc là, il se trouve que c'est un bateau, donc c'était sur l'eau. Mais c'est vrai que mutinerie, c'est quand même très, très... Mais de toute façon, c'est violent, hein, de toute façon. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est à la fois du panache, mais c'est quand même quelque chose, un geste violent, hein, de toute manière. On se demande si ça avait... On pense, mais c'est toujours facile de penser après coup qu'il n'y avait aucune chance, parce que quand l'État décide de faire des économies, on sait trop la réalité de cela aujourd'hui. En fait, cette époque-là a commencé avec la fin du France. Il n'y avait pas... Ils ne pouvaient pas gagner, les marins. De toute façon, on n'aurait pas dû... concrètement construire ce navire. Dès le départ, c'était presque un acte mort-né. Mmh. Parce qu'en fait, dès le départ, ce qu'il faut bien remettre dans l'esprit, c'est qu'on sort de la guerre, on a tout à reconstruire, et la transatlantique, la compagnie générale transatlantique, est orpheline de son plus beau paquebot, le Normandie. Et donc, elle n'a plus les armes pour avoir le prestige qu'elle avait auparavant. Donc, elle a des petits paquebots. Elle a un Île-de-France qui était un paquebot magnifique, mais qu'il fallait qui était un transporteur changé en transporteur de troupes. Donc, il fallait tout le refaire. Elle a une prise de guerre qui est l'Europa, une prise de guerre à un bateau allemand qui a été donc rebaptisé Liberté. Mais en face, il y a le Queen Mary, le Queen Elizabeth, il y a United States qui est un navire absolument incroyable qui a fracassé la vitesse, qui a pris le ruban bleu, et puis personne ne pouvait aller contre ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on était dans la 4e République, et 4e République, ça change tout le temps, c'est tout le temps des gouvernements qui sautent, et en fin de compte, ils ont perdu 5 ans pour se décider de faire un grand liner, et non pas deux petits, comme la raison aurait dû l'emporter. Ouais. On se retrouve dans 3 minutes, Christian Clair, on verra ce que sont devenus ensuite ces marins. La voilà qui s'élève à brûle et blanche devant toi. Vois ma falaise patience, patience, patience. Contemple les marées, les marées, les marées. Contemple les marées, les marées, les marées. Oui, patience, patience, patience. Les vents froids qui balayent. Christian Clair, vous avez rencontré quelques anciens marins du France en 1990 pour une série d'émissions pour cette antenne, France Inter, 16 ans après, parce que le France s'est terminé en 1974, donc 16 ans après, la blessure était-elle encore vivace chez les marins? En fait, pendant très longtemps, c'est-à-dire que le France a quitté Le Havre en 79, après être resté 4 ans et 10 mois au quai de l'oubli, c'est-à-dire abandonné de tous, en pleine zone industrielle. Vraiment, on savait pas quoi en faire, et puis finalement, heureusement, on l'a pas vendu pour aller à la casse, mais on l'a vendu pour qu'il continue de voyager. Et pendant 10 ans, il était pratiquement impossible de parler du France au Havre. Et c'est vrai que nous, on est arrivés en 90, on a eu la chance, justement, c'était le moment. Donc les gens commençaient à parler, mais c'était une émotion énorme. Gilbert Brodel, qu'on entendait, qui était un homme formidable. Tiens, je vous coupe. On va l'écouter. Ah, ouais, sur ce thème-là, exactement. D'accord? Oui, bien sûr. À tout de suite. Ça a été dramatique, hein. Bon, il y a eu des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui sont morts, il y a qui se sont suicidés, il y a eu des types qui sont allés au fou, il y a eu de tout, on a eu de tous les cas de figure, faut voir, c'est épouvantable. Des gens qui toute leur vie a été d'être sur les bateaux de la Transat, sur les paquebots de la Transat, c'était leur vie, quoi. Hein. Bon, ils savaient qu'à 55 ans c'était la retraite, mais avant, c'était leur vie. Et même Le Havre, le jour où ce paquebot l'a arrêté, Le Havre, il est devenu veuf, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui lui manquait. Et on n'a jamais revu toute cette activité qu'on pouvait avoir là. Le Havre, il servait plus à rien. On avait l'impression que tout était foutu, quoi. Et voilà une réponse complète. Oui, oui. Vécu, je veux dire. Les vôtres aussi sont complètes, rassurez-vous. Mais celle-là, elle est vécue, quoi. C'est un vécu de marin. Fort. Oui. Et puis, je me souviens très bien qu'on a arrêté l'interview parce que Gilbert Brodel était en larmes. Et un grand gaillard comme ça, enfin, c'est très émouvant. Moi, je sais que c'est un souvenir énorme pour moi, évidemment, mais d'avoir fait ces émissions et ces livres et d'avoir rencontré ces gens. Oui, voilà, c'était vraiment la fierté. Et la fierté d'être... Déjà, quand on est marin, on est fier. Oui. Et quand on travaille sur un bateau comme ça, on est encore plus fier. Il y a aussi la fierté havraise de la ville. Alors, le 18 août 1979, donc ça fait 1703 jours que le France est au quai de l'oubli. Et c'est le jour où, pour la dernière fois, il quitte le Havre. Vous avez des souvenirs de cette journée-là? Vous y étiez? Non. Non. Non, j'étais à... Oh non, là. Sur le 18, j'étais punk, hein. Donc, ah bon, j'étais punk. Ça empêche pas? On peut être punk, aller voir un bateau? Exactement. Non, parce qu'en plus, moi, je suis rouennais, c'est pas pareil qu'être havrais, hein. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis de Caen, vous voyez. Donc, rouennais, havrais, je sais pas exactement. Je suis voisin. Bon. Oui. Dites-moi, Oui. Et c'est quand le France est au quai de l'oubli, oui, en 1975, que sort la chanson Le France de Michel Sardou. On n'a pas évoqué jusque-là. Oui. Est-ce que l'attachement qu'avaient les Français pour ce bateau aurait été le même sans cette chanson? On sait que parfois, une chanson ne peut pas changer le monde, mais elle peut changer quelques situations. Si, je pense qu'elle a changé. Je pense que la chanson, c'est un art qui n'est pas mineur, mine de rien, parce que ça rentre dans les mémoires. Et quand on écoute une chanson, tout de suite, on est dans le temps de la chanson, dans l'époque. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et je crois que ça a mis quelque chose, mis en lumière le France d'une manière assez extraordinaire. Cette chanson écrite par Pierre Delanoë, chantée par Michel Sardou, parce que ça reste dans la mémoire et les mots sont très importants. C'est-à-dire que ne m'appelez plus jamais France. Il y avait aussi ce côté ne m'appelez plus jamais France pour le pays, parce qu'on avait cette sensation dans ces années-là que finalement tout se délitait et que le prestige de la France commençait à disparaître. Eh bien écoutez, cette chanson, on ne va pas l'écouter. En revanche, on va écouter Michel Sardou en parler. Tu l'aimes bien ce France? Je l'aime beaucoup, c'est ma chanson préférée. J'aime beaucoup le bateau, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire une croisière dessus. Et tu l'avais vu ce bateau? Je l'avais vu une fois, oui, entre deux grands tas d'ordures, tout seul, abandonné, rouillant sur place. Ça m'avait fait beaucoup de peine, parce que c'était un très beau bateau. Et il est là, lamentable, entouré de fils de fer barbelés. C'est un petit peu triste. Quand tu es allé chanter au Havre, tu as interprété le France, je crois que ça a été vraiment... J'ai chanté trois fois de suite, oui. J'ai chanté trois fois de suite, mais ils attendaient un peu, en sens c'était un peu leur chanson à eux, et c'était un public formidable. D'ailleurs, il y avait dans la salle beaucoup de gens, beaucoup d'anciens marins, beaucoup d'anciens, enfin, familles de marins du France. Alors ils écoutaient ça avec beaucoup d'attention, parce qu'ils se sentaient concernés, ce qui est normal. Oui, parce que c'était un peu leur bateau. Et qu'il était français. Bien sûr, et puis surtout un bateau, on s'y attache comme une personne humaine, c'est ça qui est important. Enfin, je me suis rendu compte en parlant avec ces marins, justement. Pour eux, c'était plus qu'un bateau, c'était... Mais c'est presque un foyer. C'est un foyer, oui. C'est une maison. Bien sûr. Voilà, tout est dit. Dites-moi, Chris Sinclair, la tristesse des Français, peut-être a-t-elle été la même lorsque le Concorde a été mis hors service? Je dis ça parce que peut-être peut-on faire un parallèle entre ces deux trouvailles technologiques qui sont en même temps des moyens de transport, donc ils sont utiles et beaux. Le Concorde était beau aussi, en son genre, avec son nez pointu. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Oui, je pense que on est le pays qui réalise techniquement des choses assez formidables, comme les paquebots et justement le Concorde, et qui n'arrive pas à les faire vivre totalement. Mais c'est ça, c'est comme le Minitel, hein. Mine de rien, c'était avant l'ordinateur, et puis les tatous, enfin les tas de petites choses comme ça. Oui, je pense qu'on est quand même un pays assez évolué et assez beau, hein, quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans le pire pays du monde. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même. Mais cela dit, comme le Concorde, quand il a été construit, ce bateau-là était dans le vent de l'histoire. Le France, le Concorde, c'est pareil, dans le vent de l'histoire, un engin qui va très vite, qui consomme beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave, ce ne sont pas les préoccupations de l'époque. Oui. On peut penser, on va pas faire d'une uchronie ou de l'histoire fiction, mais que le France, de toute façon, se serait arrêté parce qu'il ne correspond plus au sens de l'histoire. Tout à fait, c'est-à-dire que pour avoir une image, c'est comme si on continuait alors qu'on a le TGV. Oui, on a oublié le TGV. Alors qu'on a le TGV, c'est comme si on continuait à avoir une ligne avec des bateaux à vapeur, enfin des trains à vapeur, pardon. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que de toute manière, c'était inéductable. Enfin, on pouvait pas sauver ce moyen de transport. L'avion avait tout prix, c'est-à-dire que, par exemple, en 74, il y avait 153 fois plus de passagers qui prenaient l'avion que le paquebot. Alors qu'en 62, c'était égal. Donc, c'était impossible. Enfin, je veux dire, c'est le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Est-ce qu'on aurait dû faire un casino à bord? Est-ce qu'on aurait dû avoir un pavillon de complaisance? Pour pouvoir embaucher des gens sous-payés. Oui, ce qui n'aura pas été forcément la meilleure solution d'ailleurs. Exactement. Moi, j'ai toujours l'impression quand même que ce qui a été fait a été bien fait. Christian Clair, en quelques secondes, qu'est devenu le France après? Deux étapes. Aïe, aïe, aïe. Il a eu une belle vie. Hein. Il a fait une belle retraite dans les eaux des Caraïbes. Oui, ça on l'a dit. Après, alors, pardon, je suis obligé d'aller un peu vite. Les Norvégiens l'ont racheté, c'est Norway. Et ensuite, il a été démantelé en Inde, c'est ça? Oui, il y a eu un accident dans une chaudière qui a fait des morts, malheureusement, en 2003. Et juste après, c'était terminé. Très bien. Merci infiniment, Christian Clair. Merci à vous. Pardon de vous avoir bousculé un petit peu à la fin, mais tout le va temps, bien. C'est le temps. Radio n'est pas extensible. Merci, au revoir. Je sais ce que c'est. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Le France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Ronan Mahé qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Mayer, Bettina Lioré, Marjolaine Corr et Adrien Mora. Attaché de production, Rebecca Denante. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Aurélien Labruyère. Réalisation, Marion Lelay, Benjamin Riquet, Coyen Nguyen. À suivre sur France Inter, Antoine de Caunes. Bonjour Antoine, alors on planche? Ah oui, ça y est, vous avez deviné où on se trouve? Ah oui. Ah. C'est-à-dire? Deauville. Deauville, mais bravo Fabrice. Du coup, comme le week-end s'ouvre, peut-être qu'on va rester là pendant deux jours. Il paraît que vous avez une suite d'ailleurs réservée à l'année aux 5 étoiles où nous nous trouvons. Oui, mais j'ai perdu la clé là. Vous avez qui? J'en prends un double pour vous. Rebecca Zlotowski et Zira Enro. Merci Antoine, à tout de suite. À tout de suite. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.